Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 28 février, d'habitude c'est le dernier jour du mois de février. Eh bien cette année c'est une année bissextile, hein. Il y aura bien un 29 février. Nous fêtons aujourd'hui les Romains. Les dictons nous disent « Beau ciel à la Saint-Romain, il y aura des denrées et du bon vin. Ciel clair à la Saint-Romain, c'est beaucoup de bien et de bon vin. Si tu tailles ta vigne au 28, tu auras du raisin plein ton panier. » Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée mondiale sans Facebook. C'est raté pour moi. Initiée par des utilisateurs du réseau social pour sensibiliser l'administration de ce fameux réseau social à la cyberdépendance et aux intrusions, dans la vie privée. En Espagne, en Andalousie, c'est le jour de l'Andalousie qui commémore le référendum qui donna son autonomie à l'Andalousie. Et en Finlande, c'est le jour du Kalevala, fête de la culture finlandaise. Dans les événements qui se sont déroulés, un 28 février 1904, création du Benfica Lisbonne. Club de foot. 1957, Gaston Lagaffe faisait son entrée. On le voyait pour la première fois dans le journal de Spirou, premier anti-héros de la bande dessinée. 1998, le film On connaît la chanson du réalisateur Alain René recevait 7 Césars. D'ailleurs, les Césars, c'est ce week-end. En 2002, en Europe, c'était la fin du cours légal de toutes les anciennes monnaies de la zone euro. Et un événement qui se passe aujourd'hui. Et oui, ce 28 février 2020, c'est le retour de la chanteuse Lady Gaga. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas sorti de titre, on l'avait entendu récemment, mais avec les titres du film A Star Is Born. Mais là, elle revient avec un tout nouveau single intitulé Stupid Love. Eh bien, vous savez quoi ? Je l'ai, on se l'écoute. Cause all I

Voilà, petit passage hein, dans les années 80 en rouge et noir, signé Jeanne Masse sur RGM. Un peu plus de 8h42, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 28 février 1931, naissance de Gavin MacLeod, acteur américain connu en France pour son rôle du capitaine Meryl Stubbing dans la série télé La Croisière s'amuse. 1947, naissance de Stephanie Beckham, actrice britannique connue pour son rôle de Sabel Colby dans la série télé Dynasty. Elle est apparue également dans quelques épisodes de la série Beverly Hills dans le rôle d'Iris McKay. 1957, naissance de John Turturro, acteur américain, vu dans Recherche Suzanne désespérément dans le rôle de Ray, au Brother dans le rôle de Pete, et on le connaît surtout pour son rôle de l'agent Seymour Simons dans Transformers 1, 2 et 3 et Transformers The Last Night, et vu dans quelques épisodes de la série télé Monk dans le rôle d'Ambrose Monk. 1958, naissance de Jeanne Masse, chanteuse française. 1969, naissance de Robert Sean Leonard, comédien américain, vu dans Le Cercle des Poètes disparus dans le rôle de Neil Perry. La série télé Dr House, bien évidemment, dans le rôle de James Wilson. Falling Skies, dans le rôle du docteur Roger Kadar. Blacklist ou encore Good Doctor. C'est également l'année de naissance de Patrick Monahan, auteur-compositeur interprète américain du groupe Train. 1972, naissance de Rory Cochrane, acteur américain, vu dans Argo de Ben Affleck et la série télé Les Experts Miami dans le rôle de Tim Spiegel. 1974, naissance d'Ali Badou, animateur radio et télévision français qui a présenté le grand journal La Nouvelle Édition, Le Supplément, et depuis 2017, il présente C'est l'Hebdo. 1977, naissance de Jason Aldean, chanteur américain de Music Country. 1979, naissance d'Ivo Karlovic, joueur de tennis croate professionnel depuis 2000. La 14e place, c'est son meilleur classement à l'ATP, c'était en 2008. Quart de finaliste à Wimbledon, 8e de finaliste à l'Open d'Australie et l'US Open. 16e de finaliste à Roland-Garros avec la Croatie, il a remporté une Coupe Davis en 2005. Il compte à son actif également une World Team Cup remportée en 2006. 1985, naissance de Jelena Jankovic, joueuse de tennis serbe professionnelle depuis 2000. Elle a été numéro 1 mondial en 2008. Elle a été une fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie, ainsi qu'à Roland-Garros et huitième de finaliste à Wimbledon. 1987, naissance d'Edouard Colin, acteur français, vu à la télévision dans L'Asthme à la Semelle dans le rôle de Rémi et Plus belle la vie dans le rôle de Mathias Desprez. Et en 2011, décédée Annie Girardot, célèbre actrice française qui a notamment remporté le César de la meilleure actrice pour Docteur Françoise Gaillan. Et à deux reprises, le César de la meilleure actrice dans un second rôle, en 96 pour Les Misérables et en 2002 pour La Pianiste. Allez, tout de suite, on s'écoute le groupe Train et leur titre Hey Soul Sister. Le groupe Train et leur titre Hey Soul Sister sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, on parle météo. La météo. Alors après la mini tempête apocalypse, appelez ça comme vous voulez, d'hier hein, où on a eu de la neige, de la pluie et des rafales de vent, eh bien aujourd'hui ça va être un petit peu plus calme avec notamment bon, des nuages mais également des éclaircies, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 6 et 8 degrés pour cet après-midi. Pour ce week-end, le vent sera toujours avec nous. Samedi, on passera la journée sous la pluie, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 11 et 13 degrés prévus pour samedi après-midi. Dimanche, quelques éclaircies en début de journée avant le retour de la pluie pour dimanche après-midi. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler du biathlon avec les championnats d'Europe où ce n'était pas une journée pour l'équipe de France hein, au relais hier. Sur le relais simple mixte, la France a terminé 8e. Ce relais a été remporté par la Norvège. Et le relais mixte a été remporté par l'Ukraine et la France s'est classée 7e. Un mot de tennis avec le tournoi de Dubaï et la qualification de Gaël Monfils en 2-7 face à Richard Gasquet. 6-3, 6-3 Monfils qu'on n'arrête plus en ce moment. Mais aujourd'hui, il aura un gros match à disputer face au numéro 1 mondial. Novak Djokovic. Un mot de hockey sur glace avec les quarts de finale de play-off de l'AD2 et samedi, déplacement pour Épinal à Courchevel. Allez Épinal, on est tous derrière vous. Et le match numéro 2 de ces play-offs aura lieu samedi prochain à la patinoire de Poissonprix. Un mot de basket en Pro B. Samedi, Nancy recevra Poitiers et en National 1, le Jet Vosges se déplacera à Orchy. Et on va parler football pour terminer avec le programme de la Ligue 1. Ce soir, Nîmes-Marseille. Samedi, PSG-Dijon, Amiens-Metz, Brest-Angers, Monaco-Reims, Montpellier-Strasbourg. Strasbourg et Toulouse, Rennes et dimanche il y aura Nantes, Lille, Bordeaux, Nice et le choc Lyon, Saint-Étienne pour clôturer cette journée de Ligue 1. En Ligue 2 ce soir, Nancy reçoit Clermont et en National 2 ce soir toujours, Épinal se déplace à Schiltigheim. Voilà pour l'actualité sportive, on va tout de suite marquer la dernière pause musicale et on va s'écouter de la country avec Jason Elden et son titre Hicktown. You like the way that sounds? Little Jimmy Jackson is jacking up his Bronco. He's gonna later on at the truck pull. And all the girls are getting pretty, spraying on the white rain. in the city, party in martini bars. And they like to show off in their fancy foreign cars. Out here in the boondocks, we buy beer and have a coat. And crank out Cranko speakers with that country radio. We let it blow. Well, we got the money, let it go. If we got the gas, it gets wild. Yeah, but that's the way we get down. Hicktown de Jason Eldon sur RGM, presque 8h56 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 14h, ce sera la rediffusion de J'aime et je vous le lis avec Dominique. À 21h, vous retrouverez Vincent pour Vivre et créer à la montagne. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Ciao, bye bye.